plus l'évolution de la conscience se fera forte sur la Terre, plus l'homme devra apprendre à camoufler sa conscience créative. La raison est simple. L'homme ne peut pas, l'homme conscient, l'homme de demain, ne peut pas ou ne pourra pas exercer la totale liberté créative de son mental face à l'inconscience ambiante. Parce que l'inconscience ambiante ne peut pas supporter le choc vibratoire de cette énergie créative. C'est pour cette raison que l'homme nouveau sera forcé d'apprendre, bon gré, mal gré, à camoufler son intelligence, à ne pas la manifester sans avoir conscience des conséquences ou des résultats qu'elle pourrait avoir sur la conscience ambiante. Ceci deviendra très important parce que l'homme nouveau, plus le corps mental se développera, reconnaîtra, saura, comprendra des choses qui ne seront pas de l'ordre de la conscience ou de l'inconscience environnante. Il sera forcé donc de garder pour lui, à l'intérieur de lui-même, certaines choses ou certains aspects de certaines choses afin de ne pas heurter ceux qui l'entoureront, afin de ne pas dépenser à outrance son énergie, et aussi dans le but d'en arriver éventuellement à diminuer l'excitation mentale que créera cette énergie dans son centre psychique. L'illusion spirituelle qu'a l'homme face à la connaissance, face au savoir, sera graduellement éliminé de sa conscience. Il sera amené à reconnaître l'importance capitale de l'anonymat, l'importance capitale face à sa capacité de dire ce qu'il a à dire et de retenir ce qu'il doit retenir. Ceci demandera de la part de l'homme nouveau une très grande maturité, autrement dit une très grande conscience, une diminution de la conscience égoïque, une diminution de la vanité, de l'orgueil mental, une diminution de la spiritualité, afin de contrôler de plus en plus la poussée ou la pression de cette énergie sur son centre mental qui a tendance à le faire parler. Et je dirais même à le faire parler beaucoup pour rien. Ceci se fera graduellement, petit à petit, dans la mesure où l'homme reconnaîtra que parler est une chose essentiellement vitale, créative, et que cette chose fait partie de son bon plaisir de vie. Que parler fait partie de cette expérience chez lui, qui doit faire naître en lui une certaine conscience, une certaine vision des choses, mais que parler ne sert pas et ne doit pas servir à transformer ou à changer le monde autour de lui-même. L'illusion de vouloir changer le monde autour de soi est une illusion spirituelle. Il y a dans le monde des êtres à qui l'on peut parler, dans une certaine mesure, ceci est bien. Et par contre, il y a des êtres dans le monde à qui l'on ne peut pas parler dans une certaine mesure, et ceci aussi est bien. Autrement dit, l'homme nouveau apprendra de façon de plus en plus perfectionnée à respecter le niveau d'évolution de la conscience ambiante. Il apprendra à reconnaître les êtres qui auraient une faculté suffisamment développée pour comprendre ce qu'ils ont à dire. Et c'est avec ces êtres que l'homme nouveau pourra facilement échanger. Mais toujours demeurera chez lui le besoin de contrôler complètement le débit de sa parole, afin de ne pas créer dans le monde de la conscience ambiante un surcroît d'impressions. Impressions qui souvent ne seront pas comprises ou ne seraient pas comprises, simplement pour des raisons d'évolution et non pas simplement pour des raisons de mauvaise volonté. Pour camoufler l'intelligence créative, pour se rendre anonyme dans le monde, il faut avoir atteint un niveau de maturité mentale très développé, parce que l'ego est foncièrement un être insécure. L'ego a besoin de se prouver. L'ego a besoin de sentir qu'il a raison, qu'il est sur la bonne voie, qu'il a des choses à dire, qu'il est dans son identité, qu'il est intelligent créativement. Et ce besoin est naturel. Cependant, avec l'évolution, ce besoin se transformera et l'homme en viendra un jour où il n'aura le plaisir de parler que dans des conditions qui conviendront parfaitement à sa propre sensibilité et aussi à des besoins qui seront réels au lieu de répondre à des désirs qui seraient totalement factices. Camoufler son intelligence, c'est un art. Ça fait partie de la subtilité de l'intelligence. Ça fait partie de la maturité de l'intelligence. Ça fait partie d'une grande capacité intérieure de ne pas succomber à la pression de l'énergie. L'homme nouveau, selon son statut social, selon son mode de vie, sa relation avec le monde, selon la sphère à l'intérieur de laquelle il est actif, sera forcé de réaliser que la parole est un pouvoir et que ce pouvoir crée dans le monde des impressions puissantes. Impressions qui ne doivent pas être colorées, créées sous la pression psychologique de l'ego ou à cause de la déformation de l'ego. Il devra reconnaître que ces impressions doivent servir l'évolution de l'intelligence, l'évolution de la conscience, l'évolution de l'homme lui-même qui parle. Mais d'une façon créative, et non pas simplement d'une façon mécanique, à cause des faiblesses de l'ego ou des aspects de la personnalité qui doivent encore être développés afin de devenir de plus en plus équilibrée en elle-même ou entre elle-même. Devenir anonyme pour un être conscient, créatif, de plus en plus capable de répondre vibratoirement à la conscience des cellules, ce n'est pas facile, parce que l'homme aime parler lorsqu'il parle. L'homme conscient aime découvrir ce qu'il sait. Il aime réaliser ce qu'il sait. Ceci fait partie de la conscience, ceci fait partie de la vie mentale, ceci fait partie de sa nourriture. Donc l'homme se nourrit de lui-même, il devient autonome, il devient créatif. Et il devient de plus en plus indépendant d'esprit, de sorte que son esprit devient de plus en plus puissant. Mais si l'homme n'apprend pas à camoufler cette puissante énergie créative, il s'apercevra au cours de son évolution que cette même énergie peut défaire ce qu'il veut faire, que cette même énergie peut débousseler au lieu d'orienter, qu'elle peut bloquer au lieu d'ouvrir. Et tout ceci fera partie, naturellement, de son expérience. Mais il est bon que l'homme sache, au prime abord, que l'évolution de la conscience supramentale n'a pas de limite, et que ce que nous sommes aujourd'hui, nous serons différents demain. Non pas différents dans le sens opposé, mais différents dans un sens autre, dans un sens plus avancé. Ce que nous voyons, ce que nous percevons aujourd'hui, demain sera le même, mais à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Et plus l'homme entrera dans l'infinité de sa conscience, plus il entrera dans le mystère de la vie mentale, plus il sera obligé de découvrir que la parole est un pouvoir qui doit être utilisé avec intelligence, un pouvoir qui doit être utilisé avec maturité, et non pas simplement une faculté psychique devant être utilisée en relation avec le corps de désir qui exprime l'immaturité de la personnalité et le manque d'identité fondamentale et réelle de la part de l'ego. L'homme qui n'aura pas appris à camoufler son intelligence souffrira d'elle parce que l'énergie sera utilisée dans le but d'ajuster son mental et son corps émotionnel. Il ne faut pas oublier que l'énergie de l'intelligence créative de l'homme fait partie du contact entre son esprit et son mental supérieur. Donc, l'esprit travaille à travers l'énergie, à travers ses formes, pour amener l'homme à comprendre les lois de cette même énergie. Et si l'homme, pour toutes sortes de raisons, n'est pas capable d'assumer le rôle d'anonymat dans le mouvement de cette énergie, il est évident que l'esprit en lui le forcera avec le temps à devenir anonyme, à camoufler son intelligence, parce que l'esprit dans l'homme, étant parfaite intelligence, doit développer des mécanismes chez l'ego qui puissent parfaitement utiliser cette intelligence dans le monde de l'homme. De sorte que le camouflage de l'intelligence créative fait partie intrinsèque de l'évolution de cette même intelligence et du développement de la conscience humaine vers une maturité extrêmement importante afin que l'homme puisse un jour bénéficier à tous les niveaux de son intelligence sans jamais en être pénalisé. Le monde, la conscience ambiante n'est pas toujours prête à entendre des choses qui font partie d'un avenir, qui font partie du devenir de l'homme, qui font partie de la nouvelle conscience humaine. De sorte que l'homme qui se conscientise ne peut pas blâmer le monde pour ne pas être compris. Il ne peut que se blâmer lui-même pour avoir été trop pressé, trop ambitieux dans ce nouveau langage qui fait partie de la relation entre le lien universel et l'homme. Si l'homme nouveau n'apprend pas à camoufler son intelligence, il sera obligé de découvrir que cette même intelligence ne fait pas partie complètement de lui, qu'il est manipulé par elle, et ceci sera une souffrance pour l'homme. Ce n'est que lorsqu'il aura compris ceci qu'il réalisera que cette intelligence fait partie de lui, qu'il est un avec elle, et qu'il peut l'utiliser, la manifester, l'exprimer n'importe quand, mais dans des conditions qui soient parfaites, des conditions qui ne soulèvent pas dans la conscience ambiante des tensions, des reproches. L'évolution de la conscience supramentale est une évolution à long terme. C'est une évolution au cours de laquelle l'homme apprendra énormément de choses. C'est une évolution au cours de laquelle l'homme découvrira que la nature de l'énergie créative fait partie de la descente sur la Terre d'une conscience cosmique donc dû la conscience qui aujourd'hui est au-delà de la compréhension de la plupart des êtres de la Terre, même de ces êtres qui sont soi-disant spirituellement évolués ou psychiquement évolués. Et c'est pour cette raison que l'homme nouveau devra apprendre à la camoufler, cette intelligence, non pas parce que elle ne doit pas être dite, exprimée ou rendue dans le monde, mais parce que elle ne peut l'être parfaitement utilisée dans le monde que dans la mesure où le monde est prêt à la recevoir. Ça demandera beaucoup de maturité mentale, beaucoup de stabilité émotive, beaucoup d'équilibre dans la vie, beaucoup d'ordre dans la vie, pour que l'homme en arrive à contrôler cette énergie. L'ordre dans la vie fait partie de la composante totale du lien entre l'énergie créative et la vie matérielle. Et tant que l'homme n'aura pas découvert un ordre dans sa vie, n'aura pas établi un ordre dans sa vie, il verra que l'intelligence créative est difficile à camoufler parce qu'il se servira d'elle afin de se balancer vibratoirement avant que cet ordre vienne. L'homme utilisera l'intelligence créative comme une sorte de béquille avant de pouvoir finalement se donner un ordre suffisamment solide et réel où la béquille ne sera plus nécessaire en tant que telle et où l'intelligence créative ne sera que la manifestation naturelle de son pouvoir créatif sur le plan mental. Mais avant que l'homme découvre cet ordre, il sera obligé d'apprendre à anonymiser son énergie, à ne pas l'utiliser à cause de certaines désaffections psychologiques. Et ceci ne sera pas facile parce que l'énergie créative fait déjà partie de sa conscience. Autrement dit, elle fait déjà partie à la fois de ce qui en lui est parfait et de ce qui en lui ne l'est pas, parce que elle est filtrée à travers des systèmes psychiques qui doivent être ajustés. Au cours de l'évolution, l'homme a été fasciné par la connaissance. La connaissance a été responsable pour l'évolution et la progression de son mental. Mais au cours de l'évolution future, l'homme ne sera pas fasciné par la connaissance, parce que la connaissance fera partie de lui. Il sera simplement émerveillé par le mouvement de l'énergie créative à travers son mental, à travers sa parole. Et cet émerveillement sera son bon plaisir. Mais d'un autre côté, il devra en arriver un jour à ne pas être assujetti à l'émerveillement. Et c'est là qu'il sera capable de camoufler son intelligence. Dans la mesure où il sera assujettissable à l'émerveillement de la parole, l'homme sera un être susceptible d'être contrôlé, affecté par la parole, donc ses liens avec le monde aussi en seront affectés, et naturellement, lui sera obligé, forcé, d'en ramasser les pièces. L'homme ne doit pas souffrir de la parole. Lorsqu'il parle, la parole doit sortir de sa bouche et aller vers le monde. Elle ne doit pas être réfléchi vers lui, donc elle ne doit pas être une sorte de parole qui crée dans l'homme des tensions qu'il ne peut pas absorber et qui sont réfléchies vibratoirement vers son propre plexus solaire. L'évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de reconnaître la subtilité de l'esprit à travers la parole. Et lorsqu'il reconnaîtra cette subtilité, il verra que l'esprit peut facilement se déplacer à travers la parole sans que l'ego en ait conscience. Et l'ego devra un jour en prendre conscience, s'il veut un jour en arriver à pouvoir facilement camoufler l'intelligence créative et utiliser la force de sa parole en temps et lieu, et non pas simplement dans ces moments où l'ego est excité et où la puissante énergie de l'esprit n'est pas utilisée parfaitement à son avantage. Autant l'intelligence du mental inférieur ne crée pas de choc en général chez l'être humain, autant l'intelligence créative crée des chocs chez l'être humain. Il est évident qu'il y a des êtres dans le monde qui sont prêts à recevoir, à être pénétrés par cette intelligence. Des êtres qui sont prêts à vivre la magnétisation de leur mental. Mais en général, l'humanité, la conscience ambiante, n'est pas prête, n'est pas préparée au choc que crée l'intelligence créative. Et c'est pourquoi l'homme nouveau devra reconnaître le besoin intrinsèque de ne pas se laisser aller à la manifestation de cette intelligence créative sans être capable de la contrôler. Et plus l'homme deviendra conscient, plus il deviendra occulte dans le mental, c'est-à-dire que plus il saura, comprendra des choses dont la subtilité ira jusque dans le développement d'une très grande voyance. Et c'est à ce moment-là que l'homme sera obligé de reconnaître le besoin de contrôler cette énergie et de ne pas la subir. Et ceci sera d'autant plus difficile que l'homme manquera de maturité. Et dans la mesure où cette maturité n'existera pas chez lui encore, il sera obligé de travailler et de voir, d'après l'effet que crée cette intelligence créative dans la conscience ambiante, jusqu'à quel point elle peut créer dans sa vie un débalancement, un déséquilibre, ou des chocs en retour. Et ceci ne sera pas intéressant pour l'homme parce que ce sera pour lui de la souffrance. Il faut reconnaître que la médiumnité, le contact intérieur que connaîtra fortement l'homme nouveau, doit dépasser le stade actuel de la médiumnité. Autrement dit, viendra le jour où l'homme demeurera naturellement médiumnique, mais où il prendra conscience que sa médiumnité ne sera plus une médiumnité astralisée. Ce sera une télépathie intérieure que lui pourra contrôler avec parfaite maîtrise. La médiumnité astralisée de l'homme fera de lui un jouet dans les mains des forces occultes en lui. Et avec le temps, avec le développement de la maturité, il transposera cette médiumnité mécanique, si vous voulez, en une sorte de composante verticale entre lui et les plans supérieurs, lui permettant, lui donnant accès à de la connaissance, à un savoir, que lui, sur le plan matériel, pourra parfaitement ajuster, agencer, à travers sa parole, qui pourra facilement aller dans le monde pour nourrir la vie mentale de l'homme. Mais lui-même, cet homme nouveau, devenu de plus en plus intégral, sentira de moins en moins le besoin de projeter cette parole dans la conscience ambiante, dans la mesure où il pourra souffrir de cette projection. Et c'est ainsi qu'il en arrivera un jour à anonymiser sa parole, non pas à se renfermer sur lui-même, mais à parler de plus en plus avec des êtres qui sont capables de la recevoir, sans qu'ils souffrent, sans qu'eux souffrent, afin de pouvoir finalement bénéficier de façon créative, balancée, équilibrée, de cette très grande force dans l'homme qui ouvrira les portes de son mental et lui fera connaître les mystères de la vie. L'homme nouveau découvrira que la parole est une folle qu'il faut contenir, pouvoir renfermer en soi-même, contrôler avant de la laisser librement dans le monde se manifester. Il découvrira qu'elle cherche à placer ses racines un peu partout dans la terre de l'expérience afin de devenir plus forte. Et la force doit être dans l'homme. Si la force est dans l'homme, il pourra contrôler la parole. Elle deviendra sienne. Il pourra l'utiliser comme il veut, quand il veut. Sinon, la parole sera plus forte que lui et elle l'utilisera comme elle veut, c'est-à-dire selon son incapacité intérieure de supporter l'énergie à travers les failles subtiles de la conscience égoïque de la personnalité non avertie. L'ego involutif est tellement assoiffé de certitude qu'il veut authentifier par sa parole sa réalité. Et c'est à cause de ceci que la parole devient pour lui, au début de la transmutation du corps mental, un couteau à deux tranchants. Dans un sens, elle lui permet de développer sa certitude, et dans un autre sens, elle crée en lui, à cause de son incapacité de la camoufler, une incertitude qui sera le produit de la réaction de la conscience ambiante sur ses propres corps. C'est pour cette raison que l'homme en évolution devra apprendre à contrôler la parole afin de souffrir de moins en moins de la réaction de la conscience ambiante face à lui-même. Et ceci ne se fera que selon les lois transformationnelles du corps mental. Chaque être humain évoluera en relation avec la parole selon la substance même de ce principe. Dans la mesure où l'homme nouveau apprendra à camoufler sa parole, il sera plus sécur intérieurement sur le plan de sa propre réalité. Dans la mesure où il ne sera pas capable de camoufler la parole, ce sera l'expression d'une plus grande insécurité, donc naturellement, ce sera aussi l'expression d'une plus grande souffrance, parce que, ne pouvant contrôler cette parole, elle créera dans la conscience ambiante des réactions que lui, sur le plan émotionnel, ne sera pas prêt à absorber sans impunité. La parole créative fascine celui qui la parle et choque celui qui la reçoit, s'il est inconscient et incapable de la recevoir. Donc, le déséquilibre créé entre la fascination et le choc doit être assumé par celui qui la parle. Et dans la mesure où cet être sera de plus en plus capable d'assumer sa parole, il aura développé de plus en plus la capacité de la camoufler. Lorsqu'il aura été capable de bien camoufler sa parole, elle sera tellement subtile, tellement bien pesée, qu'elle ne créera plus de choc. Donc, il n'existera plus de déséquilibre entre celui qui parle et celui qui reçoit. La fascination sera éliminée, le choc sera neutralisé, et l'homme nouveau pourra parler à sa guise, dans un sens et dans un temps qui conviendra parfaitement à son être. Il ne sera plus assujetti à la parole, il n'en connaîtra plus la pression. Il vivra simplement d'elle et elle le nourrira infiniment. Dans la mesure où elle sera très camouflée, elle ne révélera que sa grande créativité. Celui qui la recevra ne sentira pas d'ego dans la parole. Et c'est à ce moment-là que la parole deviendra un outil de travail dans le monde pour l'homme. C'est à ce moment-là que celui qui la reçoit la recevra avec aise, parce que elle sera à la mesure de lui-même. Elle ne cherchera pas à le confronter à lui-même. Elle fera simplement le pénétrer avec une grande douceur, une grande profondeur. Et l'homme verra, l'homme qui la reçoit, verra que celui qui la parle a beaucoup d'esprit, qu'il est dans son esprit et qu'il n'est pas dans son ego. Camoufler la parole est un art qui se développera à un point où la parole ne transpirera plus de cet enthousiasme spirituel ou occulte qui caractérise souvent, très souvent, ou même toujours, les hommes qui viennent en premier contact avec une dimension de leur réalité mentale à laquelle ils ne sont pas habitués, à laquelle ils sont voués de se lier pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons occultes ou métaphysiques ou spirituelles, mais raisons qui, tout de même, font de leur vie, au début, une sorte de souffrance mentale, pour la simple raison que l'homme n'est pas capable d'assumer le rôle réel qu'il doit avoir face à la parole, celui de la canaliser parfaitement. Camoufler l'intelligence créative n'est pas facile pour l'ego parce que il n'est pas habitué à vivre de la conviction de la conscience qui s'impose à lui sans devenir excité émotivement à cause de cette conviction. Donc l'homme nouveau devra apprendre à supporter la conviction que lui impose sa conscience et dans un même temps ne pas subir le mouvement vibratoire de cette énergie à travers le centre émotionnel qui déséquilibre la vibration et qui l'empêche de se rendre anonyme, c'est-à-dire parfaitement calme dans le mental, parfaitement sans enthousiasme dans le mental. Ceci, pour l'homme évolutif, est un tour de force, parce que cela constitue une nouvelle façon de parler, une façon de parler qui ne nécessite pas le besoin de prouver quoi que ce soit, mais qui fait pénétrer avec grande certitude, grand perfectionnement, cette énergie dans le mental ou la conscience de celui qui reçoit la parole. Le terme intelligence créative utilisé pour qualifier la conscience supérieure de l'homme indique justement ce qu'elle est. Elle est créative, donc elle cherche à s'ajuster parfaitement au plan mental humain. Donc, cherchant à s'ajuster au plan mental humain, elle fera tout dans son passage pour forcer l'ego à se débarrasser des aspects inférieurs de la personnalité afin que cette même intelligence puisse entrer dans le monde de façon parfaite, c'est-à-dire de façon purement créative et non simplement colorée par la personnalité, par l'état spirituel de l'homme ou par les composantes psychologiques qui sous-tendent l'organisation psychique de l'ego. C'est pourquoi camoufler l'intelligence créative, dans un sens, veut dire la rendre parfaite, c'est-à-dire la rendre imperméable aux aspects involutifs de l'homme et totalement perméable à elle-même, c'est-à-dire perméable à sa propre luminosité. C'est à ce stade que l'homme nouveau comprendra les illusions entre la connaissance et le savoir. C'est à ce stade qu'il verra la différence entre le mental créatif de l'homme et la conscience purement pulsative de l'ego. Donc, dans ce mouvement de l'énergie créative, il découvrira que la conscience créative, l'intelligence pure, cherche à se manifester de façon à parfaitement joindre le plan humain au plan cosmique. Façon qui se manifestera graduellement dans la mesure où l'homme apprendra à comprendre la relation entre elle et l'ego. Dans la mesure où le corps de désir se transmutera pour ne laisser dans la conscience humaine qu'un canal parfaitement ouvert à l'énergie, que l'ego pourra ensuite utiliser de façon créative, de façon anonyme, parce qu'il aura parfaitement appris à la camoufler. Lorsque nous parlons de camoufler l'intelligence créative, dans le fond, ce que nous voulons dire, c'est camoufler l'excitation de l'ego. Si l'excitation de l'ego est camouflée, l'intelligence créative automatiquement devient camouflée parce que, de par sa nature parfaite, elle passe dans le monde de façon parfaite. Là où l'homme n'aura pas camouflé son intelligence créative, c'est lorsqu'il sera en contact avec des êtres conscients, des êtres suffisamment avancés pour partager une même longueur d'onde. Ce sera alors pour lui et pour eux un grand plaisir de laisser cette conscience créative les inspirer mutuellement. Mais dans le cas où l'homme devra parler dans le monde, dans le cas où il aura à échanger avec une conscience ambiante, non ajustée à cette vibration, il lui sera éventuellement nécessaire, préférable, d'apprendre que la nature de l'intelligence créative est fondée sur le principe non pas de la révélation, mais sur le principe de la découverte des lois occultes de la conscience humaine. Mais lorsque l'homme est inconscient, qu'il est spirituel, qu'il prend conscience, si vous voulez, de cette grande puissance créative en lui en potentiel, il la vit plutôt sur le plan de la révélation que sur le plan de l'étude des mécanismes profonds et occultés de la conscience humaine. Et c'est là qu'il fait ses erreurs. Parce que la conscience créative n'a pas pour but de donner à l'homme de l'information. Elle a pour but de rendre l'intelligence de l'homme claire et lucide afin que lui-même aille chercher sa propre information. Mais lorsque l'homme prend conscience de cette nouvelle énergie en lui, de cette nouvelle conscience mentale, puisqu'il est encore rattaché aux anciens mécanismes égoïques de la connaissance, de la recherche de la connaissance, il veut traiter de cette nouvelle énergie de la façon dont il traitait de son énergie inférieure auparavant. Et ceci est impossible parce que l'homme ne peut pas utiliser une force aussi grande dans sa conscience que l'intelligence créative et la mouler à son inconscience psychologique ou au désir de sa personnalité. C'est elle qui doit éventuellement le forcer à s'ajuster à elle, à ses propres lois. Et c'est là que vient en jeu le besoin de l'homme nouveau, d'apprendre à camoufler cette intelligence, à n'en manifester les aspects que dans un ordre qui convient de plus en plus à l'équilibre entre la nouvelle force en lui et l'ego qui doit, de façon mesurée, la rendre dans le monde. Tant qu'elle exercera la conscience créative, une fascination chez l'homme, elle sera plus grande que lui, au lieu d'être lui-même. Et tant qu'elle sera plus grande que lui, il ne pourra pas la contrôler parce que ses émotions, sa sensibilité, sa spiritualité voudront faire d'elle un aspect de lui-même afin de pouvoir miroiter dans le monde un aspect plus ou moins réel que lui, en tant qu'ego désir, voudra manifester. Et ceci sera quelque chose devant être changé chez l'homme nouveau, parce que ça lui causera constamment une sorte de souffrance. Il ne pourra pas vivre intérieurement cette énergie créative dans le même calme qu'il vivait auparavant, son intelligence inférieure. Apprendre à reconnaître la frustration subtile que crée le contact de cette énergie avec le plan mental. Et c'est en reconnaissant cette sorte de frustration subtile qu'il cherchera avec le temps la paix dans le mental. Et c'est cette paix dans le mental qui sera le produit de la transmutation de son mental. C'est avec cette paix qu'il pourra bénéficier largement de l'intelligence créative et qu'il pourra la rendre dans le monde de façon camouflée. Aucune excitation en lui ne fera vibrer le corps émotionnel et il commencera finalement à bénéficier à tous les niveaux de son intelligence. Il commencera à participer créativement à cette intelligence car il saura qu'elle ne peut pas le laisser, qu'elle fait partie de lui, qu'elle est une avec lui. De la même façon que son intelligence inférieure, antérieure, était une avec lui sur le plan de l'ego. Tant que l'homme n'aura pas appris à camoufler son intelligence, il ne pourra pas sentir cette unité, parce que c'est le phénomène de ne pas pouvoir la camoufler qui est l'expression de la dualité en lui, de la partie cosmique et de la partie planétaire. Ceci est une illusion. L'homme est un. Il est à la fois cosmique, il est à la fois planétaire. Et lorsqu'il vit l'unité de sa conscience, il travaille sur le plan matériel avec une énergie créative parfaitement manifestée, parfaitement ouverte ou parfaitement camouflée selon les besoins, selon les événements, selon les situations. Sinon, il est en initiation. Il est conditionnable, il est imposé une sorte de force en lui qui fait de lui un être souffrant à un niveau ou à un autre. L'homme doit posséder la parole consciente comme il possédait la parole inconsciente et doit faire partie de lui de façon absolue comme sa parole inconsciente faisait partie de lui de façon absolue, avec cette différence que la qualité absolue de la parole consciente est absolument plus élevée que celle qu'il possédait durant l'évolution.